Well. Je suis le dernier blondine de ce nom. Les taches marrons envahissent ma peau. Je ne sais pas si c'est le soleil ou le sida, mais je ne m'avoue pas vaincu. Chaque matin, je mets mon fond de teint et face aux nègres et aux bigots, je reste la reine blanche. La police est parfaite, pas une tache, pas un défaut. Et le soir, j'arrache les points noirs avec mes ongles et je découpe à la lame de rasoir les taches marrons. Je traque sans pitié la moindre impureté et je lacère mon pénis et mes couilles pour mes amants nègres et bicots. Je veux rester là, reine blanche. Pas une tache, pas un défaut. La police est blanche, les yeux bleus, le pubis blanc. Ah oui, je suis bien la dernière blanche digne de ce nom. Pour mes amants nègres et bicots, j'arrache mes poils noirs, je tâme mes cils noirs, je mords mes lèvres pour que mon sang rouge, pur sang blanc, coule sur mes dents blanches. Les anus noirs et fouillant les entrailles de bicot. Ah oui, je suis la reine blanche, le dernier blanc digne de ce nom. Et nègres et bicots me vénèrent, ils me couvrent de sperme et de pognon. Et jamais, non jamais, ils ne se lasseront du miracle sans cesse renouvelé de leur sperme blanc jailli de leur queue noire, goûté de mon anus rose sur mes cuisses blanches. Et toujours, oui toujours, ils aimeront ma diarrhée, leur bébé marron, et mon sang, leur enfant martyr. Le dernier blondine de ce nom. Pour mes amis nègres et bicots, j'arrache les points noirs et les taches marrons. Je crève mes yeux, je les aime dans le noir.